question que l'humanité se pose depuis qu'elle est humanité. Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? À l'heure actuelle, plusieurs théories se font concurrence. Est-elle née sur les sources géothermales au fond des océans ? Est-elle venue de l'espace froid à bord d'un astéroïde ? Par quel mécanisme est-on passé de l'inerte au vivant ? Et avec cette nouvelle question toute récente, et si la vie était apparue plusieurs fois et était finalement le plus banal des scénarios ? Et combien de fois la vie est-elle apparue sur Terre ? C'est l'énoncé du problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter d'apporter quelques réponses à cet insondable mystère, nous avons le plaisir de recevoir ici en studio Marie-Christine Morel. Bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes professeur à l'Université Pierre et Marie Curie ainsi qu'au Muséum d'Histoire Naturelle. Nous sommes également avec François Guyot. Bonjour. Bonjour. Également professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, directeur adjoint de l'Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie. Nous sommes, comme chaque jour, vous le savez maintenant, en direct sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur le compte @laméthodefc. Et pour commencer cette émission, pour poser les enjeux de cette énigme que constitue l'apparition de la vie sur Terre pour les chercheurs, je vous propose d'écouter tout de suite notre archive du jour. Il s'agit d'un extrait du film La chimie aux origines de la vie. C'est un film qui date de 1997 et vous allez entendre André Braque, biophysicien exobiologiste, comparer notre histoire à un livre. Si on représente l'âge total de la Terre, c'est-à-dire 4,55 milliards d'années, sous la forme d'un livre de 100 pages, la vie existe avec certitude, page 23. Page 23 correspond à 3,5 milliards d'années et c'est l'âge des plus anciens microfossiles découverts dans les stromatolites. La vie est déjà diversifiée. Il y a 5 ou 6 variétés à ce jour qui ont été identifiées dans ces stromatolites. Le plus ancien sédiment apparaît à la page 17. Ce sédiment nous apprend que l'eau existait il y a 3,8 milliards d'années sous forme liquide. Il y a dans ce sédiment un galet qui a été façonné par de l'eau courante. Entre la page 0, origine de la Terre, et la page 18, nous n'avons aucun indice. Et pourtant, c'est dans ces pages blanches qu'est apparue la vie. Donc le phénomène que nous essayons de comprendre en laboratoire. Voilà André Braque en 1997. Alors je me retourne vers vous deux, Marie-Christine Morel, François Guyot. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'a aucune notion de ce qui se trouve entre la page 0 et la page 18 de l'histoire de la Terre, Marie-Christine Morel ? Je pense que François pourra répondre en termes géochimiques de manière plus précise, mais le document d'André Braque date des années 90, fin des années 90, et depuis, le travail a continué de manière de plus en plus intense. Et vous avez commencé votre introduction en parlant d'un mystère insondable. Je crois qu'on a de plus en plus de sondes pour aller de plus en plus loin. Et récemment, il y a un article dont peut-être François va vous faire l'écho, de traces de vie datant de 4,1 milliards d'années, enfin de traces de carbone d'origine organique de cette époque-là. Mmh. Et les plus anciennes traces de vie sont bien antérieures aux 3,5 milliards d'années dont parlait André Braque. Mais à propos de ces questions de datation, moi je voudrais faire remarquer une chose, c'est que donc la Terre s'est formée il y a 4,5 ou 55 milliards d'années. Les premières traces de vie sont apparues, disons, aux alentours de 800 millions d'années. Après, donc, il a fallu 800 millions d'années, 700, 800 millions d'années. Et puis, pour former les premières cellules de type procaryote, c'est-à-dire des tout petits compartiments. Et puis, sans noyau. Oui, sans noyau. Et donc, il a fallu 1 milliard d'années supplémentaires, 2 milliards d'années supplémentaires, pour former les cellules avec noyau, les cellules eucaryotes. Et puis, il a fallu encore 1 milliard d'années supplémentaires pour que ces cellules eucaryotes apprennent les vertus de la vie en collectivité et se mettent à former des êtres pluricellulaires. Et puis, il a fallu encore 500 à 600 millions d'années supplémentaires pour que ces êtres, ces pluricellulaires, acquièrent, s'organisent, acquièrent les compétences qu'on leur connaît aujourd'hui, puisque depuis ces 500 ou 600 derniers millions d'années, on a des traces fossiles en monnaie sonnante et trébuchante, si je peux dire, des cailloux, quoi, qui nous renseignent vraiment sur ce qui s'est passé il y a 600 millions d'années. Et avant, évidemment, la recherche de vie est beaucoup plus compliquée. Eh bien, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je me retourne vers vous, François Guyot. Donc, on a réussi à remplir un peu ces premières pages de l'histoire de la Terre et on commence à discerner un peu mieux ces moments de formation de la vie, du passage de l'inerte au vivant. Mais je crois que Marie-Christine a bien résumé le problème. C'est que la vie dont on a l'habitude, quand on est paléontologue, on trouve des traces de vie. C'est la vie qui n'existe que depuis 500 millions d'années. Et 500 millions d'années, c'est pas grand-chose par rapport aux 4 milliards d'années d'histoire de la vie. Avant, la vie, c'était des tout petits objets, ces fameuses cellules prokaryotes qui font un micron, un millième de millimètre, en moyenne, hein, c'est l'unité de compte. Et donc, leurs traces sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, par rapport au discours d'André Braque de la fin des années 90, je dirais que ça n'a pas beaucoup bougé, parce que c'est très très difficile de trouver des traces de ces tout petits objets qui sont évidemment modifiés par tous les phénomènes géologiques. Donc, on n'a pas de traces de vie hyper anciennes. Enfin, hyper anciennes. 3 milliards 5, c'est très ancien. Mais effectivement, c'est 1 milliard d'années après l'histoire, le début de la Terre. Et il faut aussi comprendre que si la Terre a 4 milliards et demi d'années, les roches les plus anciennes n'ont que 4 milliards d'années. Tout ce qui s'est passé dans les 500 premiers millions d'années, ça a été irrémédiablement perdu par l'histoire géologique de la planète, par l'activité géologique de la planète. Et les roches de 4 milliards d'années, on en a, pas beaucoup. Hein, l'équivalent de quelques milliers de mètres carrés. Mais on n'a pas beaucoup d'affleurements qui sont vraiment très anciens. Donc ça, c'est un point. Par contre, on a progressé sur un autre aspect par rapport à ce que disait André Braque, c'est l'eau liquide. Il a tout à fait raison de faire le lien entre la vie telle qu'on la connaît et l'eau liquide. Hein. On n'imagine pas la vie telle qu'on la connaît sans l'eau liquide. Alors là, on a fait des gros progrès. Parce que, par exemple, on a des minéraux, alors pas des roches, hein, mais des minéraux de 4 milliards 400 millions d'années, donc seulement 100 millions d'années, la Terre est encore en train d'être bombardée. Voilà, elle est encore en train d'être bombardée. Et pourtant, on a des minéraux, des zircons en particulier, qui nous montrent que de l'eau liquide était déjà présente 100 millions d'années après le début de la Terre. Donc ça, si vous voulez, sur le fait que la planète a finalement peut-être eu très très tôt des conditions correctes, c'était pas forcément l'enfer indescriptible qu'on a souvent en tête. Ça, on a progressé là-dessus. Alors, on va se replonger justement à ces tout débuts de la formation de la Terre en même temps que le système solaire. Justement, vous l'évoquiez, François Guyot, à quoi elle ressemble la Terre à 4 milliards d'années? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à la surface? Est-ce qu'on le sait précisément? Quelles sont les conditions? Il n'y a pas d'oxygène, on est dans un environnement très hostile encore. Il y a des choses qu'on sait assez précisément, comme je vous l'ai dit, c'est que contrairement effectivement à ce qu'on pourrait penser avec cette vision du bombardement, c'est vrai que la Terre s'accrète à partir d'un bombardement intense, et d'ailleurs la Lune, on le sait, hein, c'est le témoin de ce bombardement, hein. Les éjectas d'une collision massive qui s'est produite peut-être 40-50 millions d'années après le début de cette agrégation. On en parlera demain, c'est le thème de l'émission de demain. Voilà, oui, c'est des collègues proches d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès assez rapidement, même si la quantité d'impact reste très importante, assez rapidement, finalement, on a peut-être des conditions qui ne sont pas si terribles que ça. On a de l'eau liquide, on le sait. Et donc, une activité tectonique. Et une activité tectonique, alors qui n'est probablement pas la tectonique des plaques actuelles, mais qui est une activité tectonique qui génère les mêmes choses, les mêmes effets du volcanisme, de l'hydrothermalisme, hein, ces fameuses cheminées, voilà, de la lumière à la surface, une atmosphère. Donc voilà, on a une planète qui, à 4 milliards 4, commence à avoir des caractéristiques qui pourraient abriter la vie. Alors, qu'est-ce que c'est précisément, je me retourne vers vous, Marie-Christine Morel, comment est-ce que vous définiriez le passage au vivant? À quel endroit est-ce qu'on met la limite entre l'inerte et le vivant? Parce que c'est une des grandes questions qui occupe les chercheurs que vous êtes. Oui. Écoutez, il y a Je suis contente que vous ne me posiez pas la question de définir la vie. Parce que, ah, j'ai dit le vivant. Vous avez parlé du vivant. Le vivant par rapport à l'inerte. Et je vous en remercie. Je vous en remercie parce que le vivant, c'est quelque chose. La vie, entre guillemets, c'est quelque chose d'empirique et donc il se manifeste par un état qui est l'état vivant. Et on peut essayer de différencier ce qui n'est pas vivant de ce qui est vivant. Et il existe, on s'est aperçu, donc il existe plusieurs formes de vivant. Tout à l'heure, on a parlé des prokaryotes, on peut parler des eucaryotes. Et puis, on peut parler de plusieurs états. Cellule avec ou sans noyau. Une cellule avec ou sans noyau. Et on peut parler de plusieurs états. Par exemple, une question très très importante que se posent les biologistes, c'est est-ce que les virus sont vivants ou pas ? Donc, certains proposent que un virus, quand il pénètre dans une cellule, eh bien, s'empare de la cellule. Et avant de pénétrer, on appelle ça un virion. Et lorsqu'il est dans la cellule, on appelle ça un virus. C'est une usine à produire des virions. Et à ce moment-là, il y a une frontière entre un virus et une cellule est de plus en plus floue, compte tenu aussi de la taille des virus. On connaît maintenant des virus géants. Qu'on a trouvé dans le permafrost il n'y a pas longtemps. Oui, on connaît également des bactéries qui sont des parasites obligatoires. Or, jusqu'à maintenant, la frontière était un virus n'est pas vivant parce que c'est un parasite obligatoire. Or, les bactéries ont toutes les lettres de noblesse de la vie. Donc, pourquoi, selon ce critère de démarcation, ne les donnerait-on pas au virus ? Donc, il y a vraiment plusieurs états du vivant. On peut être vivant de plusieurs manières. Et donc, comment passer du non-vivant au vivant ? Eh bien, c'est l'objet de tous nos travaux de biochimistes qui essaient de réaliser en laboratoire des expériences que l'on appelle prébiotiques pour voir jusqu'à quel point ces molécules que l'on fabrique ont toutes les caractéristiques du vivant, la reproduction, un certain métabolisme, un certain état de confinement qui se rapproche de la compartimentation telle qu'on les connaît dans les cellules. Alors là, vous soulignez trois choses, l'encapsulage, le matériel génétique et le métabolisme, qui sont a priori les trois grandes définitions d'un organisme vivant. A priori, on va voir que tout ça n'est pas si net que ça. Je vais vous poser une question pour réagir à ce que vous venez de dire à l'instant, Marie-Christine Morel. Est-ce que le point commun finalement entre un virus et une bactérie, c'était pas simplement d'avoir du matériel génétique ? Est-ce que c'est pas le matériel génétique qui définit à un moment donné, l'organisme comme étant dans un état vivant ? Il est certain que sans évolution, menée essentiellement par le métabolisme des acides nucléiques, donc du matériel génétique, il n'y a pas de vie. Donc l'évolution est une des caractéristiques fondamentales de la vie telle qu'elle s'est déroulée sur Terre depuis 4 milliards d'années. Les virus, ce sont des objets, enfin, ou des espèces, plus exactement, qui ont ce matériel génétique dont on parle, et ce matériel génétique porté par les virus est capable d'être transmis et capable d'être intégré par une cellule dans son propre génome. Donc, effectivement, si on se focalise uniquement sur le matériel génétique, il est évident que les virus sont vivants. Maintenant, il y a une activité fondamentale de tout organisme vivant qui est le métabolisme, c'est-à-dire les échanges avec l'environnement, avec le milieu extérieur, et la transformation de cet organisme qui tient compte de ces échanges et des interactions avec le milieu. Comment les virus se débrouillent pour réaliser ces échanges ? On a découvert récemment que les virus sont capables d'un certain métabolisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de fabriquer des acides aminés, jusqu'à 800 acides aminés. Il s'agit d'un virus qui s'appelle ATV, Acid Yano-Two-Tailed Virus. Et indépendamment, donc, ils fabriquent ces acides aminés, ces deux appendices, indépendamment de toute infection de cellules hôtes, c'est-à-dire même dans un lysa cellulaire, il est capable d'une activité métabolique. Donc la frontière vraiment virus. Alors je sais que c'est très très polémique. S'il y a certains collègues biologistes qui m'écoutent, ils doivent bondir sur leur chaise. Mais c'est justement ce qui fait débat, qui fait avancer la science. Et je n'hésite absolument pas à porter le débat là-dessus. Qui est passionnant. François Guillot, vous y allez. Oui, je crois que c'est effectivement... Tu as tout à fait raison, Marie-Christine, de ne pas tenter de définir la vie, parce que c'est effectivement assez glissant. Cependant, c'est vrai qu'on peut toujours avoir une vision opérationnelle pour nous qui travaillons sur ce sujet. La vision opérationnelle, c'est la suivante. C'est des systèmes qui, effectivement, sont capables de se reproduire de façon similaire, mais pas identique. Et du coup, n'ayant pas les mêmes caractéristiques... De créer une population. De créer une population qui subit des contraintes du milieu et qui donc évolue. Donc je dirais, c'est peut-être un peu tautologique, mais on pourrait définir la vie... Le vivant, faites attention. Même la vie, je peux me risquer à ça. C'est le sujet d'une sélection de type darwinien. C'est-à-dire que si vous avez un système, par exemple chimique, parfaitement indépendant de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, que vous réussissez à fabriquer ça en tube à essai, et que ce système est un peu de la chimie évolutive qui va évoluer toute seule, je dirais, sous l'effet des contraintes du milieu que vous imposez, ben là, vous pouvez vous poser la question d'avoir fabriqué effectivement un système vivant qui est différent du système de la vie sur Terre. Donc je pense que cette notion d'évolution, de sélection, de Darwin, c'est un peu le cœur opérationnel de notre définition de la vie. C'est comme ça qu'on l'envisage. Marie-Christine Morel. Cependant, moi, je voudrais rebondir. Enfin, François a bien précisé les termes de notre quête, disons. On est dans dans ce chemin-là, mais ça bouge beaucoup. Et vous avez posé tout à l'heure, en introduction, la question de y a-t-il plusieurs origines ou une seule origine ? Eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on essaie de fabriquer ces premières molécules génétiques, ces premiers acides nucléiques, on rencontre un très très grand nombre de difficultés. Un acide nucléique, c'est un assemblage, c'est l'alternance de quatre motifs, A, U, G, C pour les ARN et A, T, G, C pour les ADN. Et on s'aperçoit que chacun de ces motifs est extrêmement difficile à obtenir dans des conditions prébiotiques. Les bases azotées pour le sucre et le phosphate qui constituent ce que l'on appelle le nucléotide. Et chaque nucléotide va être lié bout à bout pour former les séquences d'ADN et d'ARN, etc. Et donc, si on a le temps de parler de ça aujourd'hui, je pense que ça vaudrait vraiment... c'est vraiment très, très intéressant de faire connaître le fait que la synthèse de ces briques élémentaires, de ces nucléotides, est très compliquée et qu'il y a d'autres voies possibles que ces nucléotides standards que l'on connaît aujourd'hui. Donc, et qui composent tout le matériel génétique vivant, aussi bien du brin d'herbe. Mais on peut faire du matériel génétique avec autre chose qu'avec la base, le sucre et le phosphate, tels qu'ils sont dans nos cellules actuelles. On y reviendra. Mais on va absolument en parler. J'aimerais qu'on dise encore, qu'on fasse encore un petit tour d'horizon pour dire aujourd'hui quel est le plus ancien organisme vivant connu. Est-ce qu'on peut répondre à cette question, François Guyot, observer ? Bon, je pense que Marie-Christine répondra mieux que moi, mais je vais quand même esquisser une réponse. Il y a une chose qu'on sait, c'est que tous les êtres vivants qu'on rencontre sur Terre, tous, sans exception, et j'exclus même pas les virus, même si leur caractère vivant peut être controversé parfois, tous ces êtres vivants partagent des caractéristiques moléculaires et des caractéristiques mécanistiques communes. Ils fonctionnent en fait tous pareil. On fonctionne pareil qu'une bactérie. Et ça nous montre qu'effectivement, alors c'est des choses qui sont pas faciles, mais ça nous montre qu'il y a une parenté entre tout le vivant sur Terre. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu attention quand on parle de multiples origines du vivant sur Terre. On n'a pas plusieurs vies avec plusieurs origines en parallèle sur Terre. Il y en a une seule qui sort effectivement de cet organisme idéalisé qu'on appelle Lucas, hein, qui est une idéalisation, qui est quelque chose... Lucas pour Last Universal Common Ancestor. C'est pire qu'une idéalisation. Voilà, c'est un algorithme. Voilà, c'est une construction mathématique. Mais cette construction mathématique... C'est le plus ancien ancêtre commun. Ce serait la première cellule. Voilà. Enfin, même pas cellule d'ailleurs. C'est le premier matériel génétique, peut-être. Je pense qu'il faut être très prudent. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que c'est une abstraction mathématique, mais par contre, elle a cette vertu de montrer la parenté des êtres vivants. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'avant Lucas, il n'y ait pas eu d'autres essais, d'autres formes de vie, choses qui se sont développées, qu'on pourrait peut-être... Mais ensuite, il y a probablement eu ce goulet d'étranglement. Hein, et voilà, et on sort de Lucas. Alors, ensuite, se donner des caractéristiques un peu physiologiques pour cette abstraction qu'est Lucas, savoir si c'était une cellule prokaryote qui vivait à haute température ou si c'était tout autre chose. On va arriver dans le flou. Je crois que c'est très très difficile. Hein. Savoir enfin, Marie-Christine, je sais pas ce que oui, tu penses. Oui, non, je pense que. Enfin, Marie-Christine Morel. Oui, je pense que François, tu as bien posé le problème. Tu as introduit Lucas et tu as bien fait parce que je pense que je ne l'aurais pas fait. Et c'est quand même Je m'en serais occupé, vous inquiétez pas. C'était la question suivante. Bien connu, mais c'est un objet mathématique et qui induit... Moi, je suis très, très, prudente avec ce terme parce que ça induit énormément d'étudiants en particulier en erreur. Et Lucas, ça n'est absolument pas une cellule ancestrale. C'est à la limite une population de plusieurs cellules. Et qui se sont ensuite partagés dans les trois domaines au moins du vivant que l'on connaît aujourd'hui, les archaïes, les eubactéries et les eucaria. Disons que c'est surtout un objet mathématique et qui est basé sur la comparaison de séquences des certaines macromolécules du vivant. On peut dresser le portrait de Lucas en comparant les acides nucléiques, les acides ribonucléiques. Les bases du matériel génétique, voilà. L'ARN, l'ADN. L'ARN ribosomal, essentiellement. C'est à partir de l'ARN ribosomal, le premier Lucas qui a été dessiné. Mais on peut dessiner un autre Lucas en comparant des protéines, etc. Donc, Lucas, c'est vraiment un objet, un outil de travail, exactement comme au laboratoire. Les biochimistes ont leur pipette, si vous voulez. Eh bien, Lucas, pour les phylogénéticiens, c'est un outil de travail et ça n'est pas quelque chose qui a réellement existé. Alors on va pour essayer de d'y voir un peu plus clair sur la façon dont les chercheurs travaillent autour de ces origines de la vie, voir qu'il y a plusieurs types de méthodes, dont celle à laquelle a pu assister Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, c'est la méthode que vous allez nous présenter dans le reportage du jour, c'est la méthode l'aiguille dans la botte de foin. Oui, c'est un peu de choses presque cherche en fait Sylvain Bernard, que vous connaissez sans doute bien, qui est chercheur à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie. Au printemps dernier, les équipes de l'IMPMC et du laboratoire Magma et Volcan ont révélé une découverte importante. Ils ont trouvé des protéines peu dégradées dans des bactéries fossilisées, vieilles de quelques 2 milliards d'années. Alors, il faut que vous nous disiez pourquoi il est important, on l'a entendu déjà tout à l'heure un peu dans ce que nous disait François Guillaume, mais pourquoi c'est important de trouver ces protéines peu dégradées? Eh bien d'abord, il s'agit des plus anciens restes de protéines retrouvés dans des fossiles. En fait, on ne pensait pas trouver dans des microfossiles aussi anciens des molécules qui ne soient pas complètement dégradées. Du coup, cette découverte pourrait permettre de comprendre un peu mieux les origines du vivant et de reconstituer la nature chimique des plus anciennes formes de vie sur Terre à partir de leurs restes fossiles. On ne sait pas exactement ni où, ni quand, ni comment la vie est apparue sur Terre. Et d'ailleurs, on utilise le mot « apparition », ce qui prouve bien que pour l'instant, on n'a pas forcément les idées très claires sur la question. Et donc, il y a toute une catégorie de chercheurs qui vont essayer de reproduire cette apparition du vivant à partir de molécules organiques simples. Et donc, c'est des chercheurs qui vont s'attaquer à faire de la chimie prébiotique. Et puis, il y a une autre façon d'aller chercher les origines du vivant, et c'est celle que j'ai adoptée moi, c'est d'aller chercher dans les roches les plus vieilles, les plus anciennes qu'on retrouve à la surface de la Terre, des fossiles de micro-organismes, et essayer, alors, premièrement, de les identifier, ce qui n'est pas évident, et de comprendre, ou en tout cas de reconstruire ce que pouvaient être ces micro-organismes au moment où ils vivaient à la surface de la Terre. Le problème qu'on a, c'est de les identifier correctement. Voilà. Là, ça, c'est très compliqué, parce qu'en fait, ce qu'on va retrouver, c'est des petits filaments, c'est des petites boules qu'on voit pas forcément à l'œil nu, hein, c'est quelques microns, quelques micromètres. Quelle découverte vous avez fait récemment ? Alors récemment, on s'est attaqué à la caractérisation chimique de fossiles, de bactéries, de micro-organismes, retrouvés dans des roches de 2 milliards d'années, presque 2 milliards d'années. Et ces fossiles sont connus, hein, ces fossiles étaient décrits depuis les années 50-60, et étaient interprétés comme vraiment des restes de bactéries, mais sur la base de critères morphologiques. Et tout le monde, toute la communauté scientifique, pensait jusqu'à présent que on n'avait plus de traces du tout de la chimie originelle de ces fossiles, que toute la chimie avait été dégradée. Et en utilisant, nous, des techniques de pointe, hein, des techniques très récentes de caractérisation, comme des techniques synchrotron, donc un accélérateur de particules pour aller mesurer la chimie à toute petite échelle, on a pu se rendre compte que dans ces roches de 2 milliards d'années, bon, on avait un signal chimique originel qui était préservé. Alors, préservé en partie, hein, on a forcément dégradé un petit peu la chimie, mais par exemple, on a retrouvé des groupements amides, qui sont les groupements qui participent aux liaisons peptidiques, donc à la formation des protéines. Et malgré les 2 milliards d'années de vie de cette roche, dans lesquelles ces fossiles se sont retrouvés, on a préservé ces groupements fonctionnels. Tout ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que on peut préserver un petit peu de signal, et si on connaît les conditions dans laquelle la roche s'est formée, dans laquelle la roche a évolué, ou a vécu, disons, on va pouvoir corriger de cet effet, de cette dégradation liée à l'histoire de la roche, et pourquoi pas un jour remonter à la biologie, à la chimie originelle des objets qu'on regarde. Là, typiquement, ces roches de 2 milliards d'années qu'on a caractérisées, c'est des tchertes, donc c'est de la silice, en fait c'est du quartz, et on a réussi à montrer, nous, au laboratoire, que des micro-organismes, des bactéries, si on les mettait dans du quartz, dans de la silice, et qu'on leur faisait subir une histoire géologique compliquée, avec de la température, avec de la pression, ben on préservait beaucoup mieux la chimie des bactéries que s'il n'y avait pas de quartz autour. Est-ce qu'on va voir le labo ? Alors là, on est dans le laboratoire que j'appelle le laboratoire de fossilisation expérimentale. L'idée de ce laboratoire, c'est d'essayer de reproduire au labo ce qui se passe pour ces bactéries fossiles au cours de leur fossilisation. Et donc, on a différents outils. On a des tubes toutes bêtes dans lesquelles on peut faire des expériences en température, et où là, on prend des bactéries modernes, des bactéries qui vivaient 10 minutes avant, et on les fait chauffer, et on regarde comment leur signature chimique évolue en fonction de la température. Et puis on a des instruments un peu plus compliqués, qui sont en fait des cocottes minutes, où là, nos bactéries, on va pouvoir les placer dans des petites capsules en or, et puis ces petites capsules dans ces enceintes ici, qu'on va charger en pression, donc pour simuler un enfouissement en profondeur, le poids des roches au-dessus. Et puis on va augmenter la température, et à nouveau, quand on stoppera l'expérience et qu'on récupérera les échantillons, on pourra regarder comment la chimie a évolué, comment la morphologie a évolué. Toute l'idée, là, c'est pas forcément de reproduire exactement ce qui se passe dans la nature, c'est vraiment d'identifier les paramètres importants. Et on peut de toute façon pas reproduire ce qui se passe dans la nature, puisque dans la nature, ça se fait à l'échelle de millions d'années. Ici, évidemment, on peut pas se permettre de faire des expériences sur des millions d'années, on fait des expériences sur quelques semaines, quelques mois. Et tout le jeu, c'est d'essayer de faire le lien entre nos expériences de quelques semaines, quelques mois, et les processus qui ont lieu pendant des millions d'années de l'histoire des roches. Typiquement, en ce moment, on essaye de comprendre quelles phases minérales vont permettre une meilleure préservation du signal chimique de bactéries au cours de leur fossilisation. Et toute la question, c'est derrière d'aller identifier des roches dans la nature qui contiennent ces phases minérales qu'on a identifiées comme favorisant la préservation. Finalement, la principale difficulté quand on cherche les plus vieilles traces de vie sur Terre, dans les plus vieilles roches terrestres, c'est qu'on est sur Terre. Et que ces roches, elles ont subi une histoire compliquée, à cause de la tectonique des plaques, à cause de l'enfouissement, etc. Et puis, parce qu'en plus, il y a de la vie partout à l'heure actuelle sur Terre, et donc il y a aussi beaucoup d'altérations des roches. Et ça devient très compliqué d'identifier précisément ce qu'on est en train de regarder et d'être sûr qu'on n'est pas en train de regarder de la contamination. Une solution, et finalement c'est ce qui est fait, hein, c'est d'aller chercher ailleurs que sur Terre, dans des roches qui ont le même âge que les plus vieilles roches terrestres et qui seraient susceptibles d'avoir hébergé ou piégé des formes de vie similaires à celles qu'on avait sur Terre. Et ça, finalement c'est Mars. C'est une planète qui, il y a 3,5 milliards d'années, ressemblait en partie ou pas mal, disons, à la Terre. Mais ces roches de 3,5 milliards d'années, elles sont restées là. Et elles sont restées là sans subir de modifications drastiques. Il n'y a pas eu de tectonique des plaques sur Mars. Et donc, deux tiers à peu près de la surface de Mars, c'est des roches qui ont 3,5 milliards d'années et qui, si la vie est apparue il y a 3-4 milliards d'années sur la Terre et sur Mars, ces roches ont pu préserver des micro-organismes, en tout cas des restes de micro-organismes, et récupérer ces roches et les étudier nous permettrait peut-être d'avoir plus d'informations sur comment, quand et où la vie est apparue sur Terre et sur Mars. Donc ça donne un peu le vertige, mais c'est passionnant. Voilà le reportage du jour d'Antoine Beauchamp, François Guyot, je voulais prendre des notes. Oui, non, mais c'est, je veux dire, c'est, bon, Sylvain, effectivement, a très bien pointé deux choses vraiment passionnantes qui font que c'est particulièrement intéressant de travailler sur la vie très ancienne en ce moment. Alors, le premier, il l'a bien dit, c'est que finalement, les méthodes de caractérisation de la matière organique fossile bougent beaucoup. Il y a les synchrotrons, il y a des tas d'appareils comme ça qui permettent vraiment d'aller plus loin. Et finalement, cette espèce de charbon informe qu'on forme quand un être vivant meurt et se trouve incorporé dans une roche comprimée chauffée, dont on pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et bien en fait, il y a l'information quelque part de l'être vivant initial, mais évidemment très très modifié, très transformé. Et ces nouvelles méthodes, on en est au tout début, elles nous permettront de mieux en mieux de reconstituer ce qu'était cette cellule vivante ou cette matière vivante, même dans des objets très très anciens. Donc ça, c'était le premier point important. Et le deuxième point très important, il a bien vraiment souligné ça, c'est que la Terre est une planète extraordinairement active sur le plan géologique. Mars l'était probablement aussi au tout début. Mais ensuite, probablement en raison de la petite taille de la planète, des problèmes d'évacuation de chaleur, etc., la planète s'est énormément calmée, je dirais. Mmh. Ce qui fait que, en fait, c'est effectivement un laboratoire naturel extraordinaire. Le problème, c'est le couplage de ces deux choses. Vous avez vu, il a bien expliqué, pour aller chercher cette matière organique et essayer de reconstituer des choses, de voir si c'était vivant, quel type de vivant, il faut des techniques vraiment hyper pointues. Il est hors de question d'emmener des techniques comme ça en télécommande. Sur un rover, dans un... C'est voilà, hors de question. Mmh. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a un véritable enjeu. Parce que on a une seule expérience, on a la Terre. Mmh. Si on veut... Alors là, on est au cœur de la méthode scientifique dans votre émission. Bah, si on veut vraiment appliquer une méthode scientifique sur cette question de la vie très ancienne, la question de l'émergence, ça on verra, c'est autre chose. Mais en tout cas, la vie très ancienne, bah, c'est sûr qu'avoir une deuxième planète, un deuxième objet pour dire bah oui, non, ça s'est pas passé parce que, ou ça s'est pas passé comme ça, ou ça a commencé à se passer comme ça, mais là, c'est absolument extraordinaire. Et qui plus est, cette deuxième planète, elle est très peu active. Enfin, beaucoup moins active. Donc, on a des terrains très anciens. Donc, il faut ramener des échantillons. C'est ça, c'est parce qu'on n'est pas prêt encore avec les robots. Donc, ça sera ça vraiment la clé. Alors, on peut déjà faire énormément avec les robots. On aura peut-être la réponse. Mais en tout cas, pour moi, chercher les origines de systèmes organisés de type vivant sur une planète comme Mars, ça sera vraiment bien quand on aura ramené des échantillons et qu'on pourra les étudier avec ces méthodes ultra pointues. Parce que je vous rappelle quand même que la vie très ancienne sur Terre, je ne parle pas d'une autre planète, on a du mal à la voir, on l'a dit. Donc si vous voulez la voir en téléguidage sur Mars, ça sera dur. Par contre, si on ramène des échantillons, on pourra les comparer. Donc à mon avis, ça c'est une des justifications très importantes de l'exploration de la planète Mars, d'abord par des robots et puis ensuite, on l'espère, par des retours d'échantillons. Et puis il y a l'autre méthode scientifique pour avoir accès et pour percer les origines de l'apparition du vivant, c'est ce que vous faites, Marie-Christine Morel, c'est-à-dire reconstituer en laboratoire des conditions qui pourraient donner lieu à l'émergence d'acides nucléiques, de nucléotides, de formes de matériel génétique ou de membrane. Bref, de reconstituer un peu en laboratoire ce qui a pu se passer dans les conditions dont on imagine que ça se passait il y a 4 milliards d'années. Oui. Alors simplement, pour continuer quand même, juste un mot sur ce que disait François, c'est très très important, enfin la comparaison de Mars et de la Terre, et c'est vraiment un des enjeux fondamentaux de ces 15 prochaines années. Et mais je voudrais quand même parler aussi des météorites. Parce que ce que disait Sylvain, c'est qu'on avait trouvé des traces de liaisons peptidiques, enfin des liaisons amides, c'est-à-dire entre deux acides aminés. Et on a maintenant une très très grande collection, et ça François pourrait vous en parler, je suppose, pendant des heures, de météorites dans lesquelles on a trouvé un nombre considérable d'acides aminés de bases azotées des acides nucléiques. Enfin, on trouve dans les météorites des... Donc des, ces briques hein, qui ouais, permettent... À la fois de fabriquer des protéines et à la fois de fabriquer des acides nucléiques. Et, mais on n'a jamais génétique. Trouvé... La question que je, qui m'est venue en t'écoutant, c'est on n'a jamais trouvé de liaison peptidique. C'est-à-dire que dans des météorites qui se sont formées en même temps que le système solaire, donc qui sont des fossiles de la formation du système solaire, eh bien, on ne trouve pas la formation de liaison peptidique, ce que le laboratoire de Sylvain a trouvé comme trace dans des roches datant de 2 milliards d'années. Donc, il y a au niveau de la biochimie prébiotique, je veux dire, eh bien, quelque chose que l'on ne connaît pas. Comment ça s'est passé? Comment se fait-il qu'à un moment donné, des acides aminés se sont mis bout à bout pour former des peptides et des protéines? Comment se fait-il que des sucres, des phosphates et des bases azotées se soient mis bout à bout pour fabriquer des fragments d'acides nucléiques, etc.? Comment cela s'est-il passé? Alors, effectivement, vous l'avez dit, dans mon laboratoire, on travaille sur la fabrication d'acides ribonucléiques et sur l'étude de leur comportement. Faut peut-être redire un mot, parce qu'on parle d'ARN et d'ADN. L'ADN, je pense que tout le monde sait à peu près que c'est la base donc du matériel génétique du vivant. Quelle est la différence, redites-nous vite, avec l'ARN et pourquoi on parle de l'ARN plus que de l'ADN, parce qu'on pense que c'est antérieur. Hein. Oui, tout à fait. Donc l'ARN, c'est un proche parent de l'ADN. L'ADN, au fond, c'est un ARN modifié. C'est-à-dire qu'on retrouve dans l'ADN tout ce que l'on trouve dans l'ARN avec quelques modifications au niveau d'une base. Donc les bases, les nucléotides, dans l'ARN, c'est A, U, G et C. Et dans l'ADN, c'est A, T, G et C. Et le T, ça n'est rien d'autre qu'un U modifié. Il y a un petit groupement méthyle en position 5 de l'uracile qui est ajouté et qui va donner la thymine. Et c'est une modification qui est très très intéressante dans nos travaux sur des analogues d'acides nucléiques. Si on a le temps, on y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a une deuxième modification qui est intervenue à partir de l'ARN initial, qui est intervenue sur le sucre, c'est-à-dire que le sucre qui constitue l'ARN, c'est un pentose, c'est-à-dire un sucre qui a 5 atomes de carbone et qui a des hydroxyles OH fixés sur ces atomes de carbone. Eh bien, il se trouve que dans l'ADN, eh bien, il y a un hydroxyle qui a disparu, enfin un oxygène qui a disparu, et donc c'est pour ça que l'on parle d'acide désoxyribonucléique, alors que l'ARN s'appelle l'acide ribonucléique, tout simplement. Alors pourquoi l'ARN serait apparu en premier? Eh bien parce qu'on a énormément maintenant d'évidence qui prouve que l'ARN est non seulement une molécule qui porte une information génétique, mais qu'elle exerce également cette molécule des actes catalytiques et des actes régulateurs. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle absolument central dans les cellules contemporaines au niveau du métabolisme. Et c'est une place qui a été pendant des années, pendant une quarantaine d'années, 50 ans, occupée exclusivement par les protéines. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'ARN joue des rôles absolument comparables aux protéines, et même plus, et même mieux peut-être, que les protéines. Et on n'a pas fini d'en découvrir sur l'ARN. Donc, dans mon laboratoire, ce que l'on essaie de fabriquer, ce sont, à partir de ces briques élémentaires, les nucléotides, donc je répète, base, sucre, phosphate, on essaie de les mettre bout à bout pour obtenir des fragments doués d'une activité catalytique et informationnelle. Alors, on est loin d'avoir tout réussi. On a réussi à fabriquer des fragments indépendamment de toute activation artificielle, chimique, simplement en mélangeant des nucléotides avec du chlorure d'ammonium et en soumettant ce mélange à des conditions hydrothermales, c'est-à-dire de haute température, jusqu'à 85 degrés Celsius, et en pH acide. Donc pour simuler ce qui se passe sur les rifts océaniques ou ces endroits. Nous, on s'intéresse... Oui, vous avez raison, c'est ce qui se passe dans les sources chaudes sous-marines, mais nous, on s'intéresse aux sources chaudes de surface. D'accord, dans les volcans. C'est-à-dire dans les volcans, à Yellowstone, enfin, dans des endroits comme ça, il y a plein de sources chaudes et qui ont des pH acides et des hautes températures. Par endroit des fortes pressions, et donc on étudie ces conditions-là et on soumet toute molécule prébiotique à ces conditions pour voir comment elles fonctionnent et comment elles sont fabriquées. Ce qui va nous amener à un paradoxe qu'on va traiter dans quelques minutes, puisque si c'est l'ARN et l'ADN qui permettent de synthétiser les protéines sont elles aussi indispensables à la réplication du code génétique, ce qui nous amène au paradoxe de l'œuf ou la poule. On en parle dans une minute. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur le compte Twitter @laméthodefc en direct. Nous parlons des origines de la vie sur Terre et peut-être, pourquoi pas, sur Mars avec Marie-Christine Morel, professeure à l'université donc Pierre et Marie Curie au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous travaillez, on l'a entendu tout à l'heure, on va en reparler tout de suite, sur la théorie dite du monde ARN. Et nous sommes toujours aussi avec François Guyot, également professeur au Muséum et directeur adjoint de l'Institut de Minéralogie, de Physique, des Matériaux et de Cosmochimie. Alors Marie-Christine Morel, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette théorie du monde ARN ? Bien, la théorie du monde ARN, vous avez parlé à deux ou trois reprises de la question de l'œuf et de la poule qui est apparue en premier. Est-ce que ce sont les acides nucléiques ou est-ce que ce sont les protéines ? Eh bien, ce dilemme est résolu en partie par l'hypothèse du monde ARN, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acide ribonucléique est doué de deux propriétés fondamentales, à savoir stocker et transférer une information génétique. Et c'est une molécule qui est capable de se répliquer à l'identique avec quelques modifications qui permettent l'évolution. Et puis, c'est une molécule également qui exerce des actes catalytiques dont on croyait jusqu'à maintenant qu'ils étaient limités à un certain nombre de réactions, mais dont on découvre aujourd'hui l'immense panoplie et tout à fait comparable à ce que font les protéines. Donc, un ARN serait apparu avant le monde ADN, ARN, protéines que l'on connaît aujourd'hui et on aurait eu, dans des époques très très précoces de la vie, des cellules à ARN, on appelle ça aussi des ribocytes, et ces cellules à ARN auraient permis donc le développement d'une forme de vie ultérieure. La question du monde, donc, si vous voulez d'autres arguments, je peux vous en donner encore. Non, c'était des quand très on, clair. Un ADN aujourd'hui dans chacune de nos cellules vivantes, dans chacune de vos cellules, Dans bien, les vôtres aussi. Dans le mien aussi, eh bien, un ADN ne se réplique que si on lui donne, il trouve à sa disposition une petite amorce ARN. Faute de quoi, il n'est pas possible à cet ADN de se répliquer. Et puis, on connaît toute une série de cofacteurs indispensables aux protéines. Plus de 50% des protéines sont inactives dans la cellule vivante si elles n'ont pas un petit adjuvant qu'on appelle un coenzyme. Et ce coenzyme est majoritairement de nature ribonucléotidique, c'est-à-dire est constitué des pièces élémentaires de l'ARN. Donc, il y a toute une panoplie que je ne vais pas, ça serait fastidieux, énoncer ici, d'arguments en faveur d'un monde ARN qui aurait précédé le monde actuel. Mais cette théorie achoppe un peu voilà. aussi. Et donc il y a toujours cet énorme mais qui est que effectivement, c'est très difficile d'obtenir un ARN en conditions prébiotiques. Alors, pour ce qui concerne les bases azotées, c'est-à-dire l'adénine, l'uracile, la cytosine et la guanine, on en trouve dans des météorites et on peut reproduire leur fabrication, leur synthèse en laboratoire dans des conditions prébiotiques. Cela a été fait depuis de nombreuses années. En ce qui concerne le phosphate, alors ça c'est un problème très très important dont sans doute François pourra parler tout à l'heure, parce que le phosphate c'est une espèce oxydée et que sur la terre primitive eh bien on ne trouve pas, et même aujourd'hui le seul phosphate que l'on connaît à ma connaissance en tout cas c'est du phosphate d'origine biologique. Donc il faut se demander d'où vient... Donc qui n'est pas d'origine géologique, voilà. Donc qui n'existait pas sur la planète. Voilà, donc il faut se demander d'où vient ce phosphore, cet atome de phosphore qui intervient, qui joue un rôle central de charnière dans la formation du nucléotide, dans la formation des acides nucléiques. Et puis, on se demande aussi d'où vient le sucre. Le ribose, parce que lorsqu'on essaie de le synthétiser en conditions prébiotiques par une réaction du formaldéhyde, que l'on trouve absolument partout dans l'espace, enfin qui est une molécule très très répandue, dans une réaction que l'on appelle la réaction de Formose, qui est une réaction très très ancienne, qui a été faite dans les années 1800, par... Breslau, je crois, enfin je ne me souviens plus tout de suite, cette réaction de Formose, elle donne toute une série de sucres d'intérêt biologique pour certains, mais le ribose, c'est un tout petit... On le synthétise par cette réaction en très petite quantité. On l'obtient en très petite quantité tout simplement parce qu'il est instable, non pas parce qu'il n'est pas fabriqué, mais parce qu'il est instable. Dès qu'il est fabriqué, il se dégrade. Donc, certains laboratoires s'intéressent à stabiliser le ribose dans des conditions prébiotiques. Alors, on a plusieurs moyens de le faire. Par exemple, avec du borate, un chercheur américain, Steven Benner, a beaucoup travaillé là-dessus. Sur des roches telles que la colémanite, l'ulexite, etc., on peut stabiliser le ribose. On travaille, et François aussi, nous travaillons ensemble avec des chimistes, Thomas Georgelin, Jean-François Lambert, pour la stabilisation du ribose sur du silicate. Mm-hmm. Et ça marche très très bien. Donc même à très très haute température, le ribose est bien stable dans la conformation où on le trouve dans les acides nucléiques. Et d'autres laboratoires se disent « Non, ça n'est pas possible, c'est trop compliqué de synthétiser de l'ARN dans ces conditions. L'ARN a été précédé par un ancêtre initial, IDA, Initial Darwinian Ancestor. Mm-hmm. Et cet ancêtre initial, on s'appelle, c'est toute une voie qui s'est ouverte depuis 5-6 ans, qui s'appelle la xénobiologie. » Et où l'on fabrique des XNA, donc ce ne sont plus des RNA, des acides plus des ARN, des xénonucléiques acides. Et là, on a des résultats absolument fantastiques, à savoir qu'on peut changer à la fois la base, le sucre et le phosphate. Et on peut fabriquer donc des molécules qui ont des propriétés, qui sont capables d'hérédité et qui sont capables donc d'évolution aussi. On peut les faire évoluer et donc qui ont le comportement des molécules du génome, hein, c'est-à-dire des molécules d'acide nucléique de nos cellules. On peut rentrer dans le détail du matériel génétique alien. Je crois que François Guillot voulait réagir. Non, c'était plus pour replacer un peu le débat ou la discussion par rapport aux thématiques origine de la vie, apparition de la vie. C'est que effectivement, on voit qu'il y a deux choses. Il y a les briques élémentaires, donc le ribose, même les acides ribonucléiques, et puis à l'autre extrémité, il y a la cellule fonctionnelle qui se reproduit, qui évolue. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une difficulté ici. C'est que, alors moi, une image que j'aime bien, c'est prendre justement l'image de la construction. Vous pouvez avoir la technologie pour fabriquer des briques de terre cuite. C'est pas forcé que vous ayez la technologie pour fabriquer la maison. Et en tout cas, apprendre des choses sur la technologie pour fabriquer les briques vous donnera pas forcément les clés pour fabriquer une maison de briques. Et si vous voulez, c'est un petit peu la difficulté, c'est que pour passer de ces étapes où on a les briques élémentaires à quelque chose de fonctionnel, il faut de l'énergie, il faut un flux d'énergie, il faut coupler en fait une source d'énergie. Parce que si la vie sur Terre a apparu, c'est parce qu'il y avait une source d'énergie à dissiper. Et ce qu'il faudrait trouver, c'est le moyen de coupler cette chimie prébiotique que Marie-Christine décrit très bien, a un flux d'énergie organisateur. Si vous voulez. Il faut quelque chose d'organisateur qui va mettre de l'énergie dans le système. Donc, on peut avoir les briques. C'est pas évident que ça nous donne directement des informations sur la façon d'intégrer ce système dans une cellule. Oui, parce qu'il reste là, on parle de matériel génétique, mais il faudrait tout autant parler des problématiques liées à la membrane ou au métabolisme. Il nous reste pas énormément de temps. J'aimerais qu'on évoque l'autre de la théorie. Je sais pas si on peut dire concurrente, mais en tout cas une autre théorie qui tient toujours la route sur ses origines de la vie, c'est celle qu'on appelle la panspermie. Vous voulez m'en dire un mot qui Moi, je veux bien. La panspermie, c'est une théorie très ancienne. On ne parle plus maintenant de panspermie, mais d'origine extraterrestre. Oui, c'est ça. Mais c'est une hypothèse qui a été mise vraiment portée très très haut par des grands scientifiques, Kelvin, des prix Nobel du début du XXe siècle, Lord Kelvin, Svante Arrhenius, proposaient que la vie se soit formée ailleurs et qu'il y ait des germes qui aient été transportés de l'espace. Alors soit par des roches, soit par des rayonnements cosmiques, donc on parle de radiopanspermie à ce moment-là, et ensemencer la Terre primitive. Alors aujourd'hui, cette hypothèse a été complètement balayée, on a montré que c'était absolument impossible, les germes ne pouvaient pas résister aux températures, enfin aux voyages interstellaires tels qu'ils étaient proposés à l'époque. Mais il n'empêche que le fait de chercher des traces de vie ailleurs, et le fait qu'on pense que, par exemple, les météorites ont apporté, et les micrométéorites en particulier, ont apporté du matériel organique sur la Terre primitive, toute une série de toutes les molécules que l'on utilise dans la chimie prébiotique, chaque fois on vérifie qu'on les retrouve dans l'espace. Quand je parle de la formose réaction et du formaldéhyde, eh bien ça renforce notre argumentation, puisqu'on dit ça existe aussi dans l'espace, donc la Terre ne vit pas comme ça, c'est pas une espèce d'entité qui vit nulle part, ça vit dans un système avec des échanges, des bombardements météoritiques intenses, une atmosphère où il se passe toute une série de choses. Et donc, on ne parle plus de panspermie aujourd'hui, mais on parle certainement d'échanges très très importants entre l'atmosphère, la stratosphère et les autres planètes, et ce qui se passe sur Terre. Ce qui montre très bien que justement la synthèse organique, au sens large, la synthèse de molécules organiques, n'est pas une condition suffisante pour faire la vie. Et je pense que ça, c'est dans la méthode scientifique et dans l'histoire des sciences, c'est quand même quelque chose qui a pas mal évolué en 50 ans. Parce que quand Miller faisait ses expériences au début des années 50, où il fabriquait des acides aminés dans une atmosphère représentant ce qu'on pensait être l'atmosphère de la Terre à l'époque. On n'a pas parlé de l'expérience de Miller, qui est l'une des premières grandes expériences de tentatives de... À l'époque, fabriquer des acides aminés, on avait l'impression que c'était pas loin de fabriquer la vie. Je pense que l'enseignement qu'on a de la recherche en chimie prébiotique depuis plus de 50 ans, c'est que l'intégration dans un système vivant des briques, que sont les acides aminés, les acides nucléiques ou les membranes, ça, c'est une histoire qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait et sur laquelle il y a énormément de recherches à faire. En revanche, regardez l'ARN tel qu'il est constitué, regardez les membranes, ça peut nous donner des informations sur la scène sur laquelle la vie est apparue. Et ça, par contre, c'est un travail d'archéologue, si vous voulez. C'est-à-dire de dire, si l'ARN il est comme ça, si la relation entre ARN et protéines c'est comme ça, c'est que ça a dû se produire dans tel milieu. Mais le couplage, la chimie évolutive qui nous couple un flux d'énergie à ce système organisé, ça, c'est un peu une autre histoire. En fait. Mais est-ce que le flux d'énergie, François, est-ce que toute la géothermie, par exemple, a pu servir de source d'énergie primitive? Tout à fait, complètement. Donc, même la lumière. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Soleil, ce que je voulais souligner à propos de cette question de panspermie, c'est qu'il n'y a pas de vie possible indépendamment du tissu vivant qui se crée avec l'environnement. Oui. Que ce soit un environnement spatial, un environnement terrestre, et la source d'énergie vient de l'environnement. Donc, elle est transformée à l'heure actuelle dans les cellules vivantes, mais originellement et à la source, l'énergie est soit provient de la lumière, du soleil, soit d'événements volcaniques, de la radioactivité, enfin de tout un tas de flux géothermiques qui proviennent de la Terre. Pour conclure, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais vous poser cette dernière question, puisque on sait maintenant de façon quasi certaine qu'il y a des formes de vie primitives sur la surface de Mars. Non, je dirais pas ça. On a fait l'émission sur Mars, on avait l'air de dire quand même on commence en tout cas à être à se douter que ça a pu exister. Bien sûr. Tant qu'on n'en a pas, évidemment, autant qu'on n'a pas ramené d'échantillons, on pourra pas le savoir. On se doute qu'il est possible qu'on trouve aussi des formes de vie primitives dans les mers, sous les lunes glacées de Jupiter, Europe. De Saturne, Europe, Ganymède, etc. Est-ce que finalement ça plaide pas de plus en plus aujourd'hui pour un univers qu'on a cru vraiment azoïque pendant des années et des années, aujourd'hui, pour un univers qui ferait finalement beaucoup plus ensemencé, où la vie serait devenue quelque chose d'assez commun, en fin de compte, et pas du tout une espèce de miracle ou d'accident, comme on l'imagine sur Terre. Marie-Christine Morel, pour conclure. Moi, je suis persuadée qu'il y a des formes de vie ailleurs, mais je suis aussi persuadée que tout ce que l'on trouvera ailleurs ne ressemblera absolument pas à ce que l'on cherche, à ce que l'on découvre sur Terre, qu'on ne connaît pas entièrement. Vous savez que la biodiversité sur Terre est absolument immense et qu'on ne connaît qu'une infime partie de tout ce qui peuple notre planète. Donc, je pense qu'il faut aller chercher ailleurs, mais il ne faut pas chercher la même chose que ce que l'on a sur Terre, il faut chercher des anomalies. Et c'est un philosophe des sciences, Kuhn, qui disait ça, c'est-à-dire que au sein des anomalies, c'est là que se trouve la clé des révolutions scientifiques et donc probablement des découvertes futures sur d'autres planètes. François Guyot. Oui, c'est ça la question majeure pour laquelle on travaille. Est-ce que la probabilité que la vie naisse dans un environnement favorable est énorme, proche de 100% ou proche de zéro? Et une objection qui est souvent faite, c'est du coup, si cette probabilité est élevée, pourquoi la vie n'apparaît pas en permanence sur Terre? La réponse, c'est qu'elle peut-être apparaître en permanence sur Terre, mais évidemment, elle est tuée instantanément par le fait qu'elle est en compétition avec la vie déjà établie. Donc voilà, donc il faut aller chercher des milieux où il n'y a pas de vie pour voir si elle va émerger dedans. Bien, on ira chercher ça. Mille merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'être venus ici autour de la table de la méthode scientifique. Je rappelle à Marie-Christine Morel, un livre qu'on peut compulser, D'où vient la vie, audition des petites pommes du savoir. François Guyot, merci également. Vous pouvez retrouver comme tous les jours l'intégralité de l'émission, des reportages, des archives sur le fil Twitter et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Léo Quentin, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Ville-France, Céline Lausanne, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique aujourd'hui Alex Dang et au droit docteur Victor Buton.